voile favorable, tu t'efforces de les couvrir. Ô faiblesse d'autrui, loin d'être inexorable, toujours d'un voile favorable, tu t'efforces de les couvrir. Quel triomphe manque à ta gloire! L'amour sait tout vaincre, tout croire, tout espérer et tout souffrir. Quel triomphe manque à ta gloire! L'amour sait tout vaincre, tout croire.